السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكون toujours dans l'explication du kitab Tawhid. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى، فقال Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى، وأولا نبدأ بالمتن. قال Cheikh Al-Islam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. دونك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit dans son excellent livre qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, il dit, et on commence un nouveau chapitre, chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de la nushra, le désenvoûtement. On peut traduire ça par le désenvoûtement, un nushra. D'après Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet de la nushra et il répondit: cela fait partie des actes de Satan. Il est rapporté par Ahmed avec une bonne chaîne de transmission et par Abu Dawood qui dit: Ahmed fut questionné au sujet de la nushra et il répondit: Ibn Mas'ud détestait tout cela. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il explique ce passage en disant: munasabatul babi li kitab al-tawhid lamma dhakara al-musannif rahimahullah ta'ala hukm al-sihr wal-kahanati dhakara fi hadha al-bab ma ja'a fi an-nushra li'annaha qad takunu min qibal ash-shayatin was-sahara fatakunu mudadatan lit-tawhid. Le rapport entre le chapitre qui est bab ma ja'a fi an-nushra, chapitre sur ce qui a été rapporté au sujet de la Nushra, et le livre de l'unicité, et Kitab al-Tawhid, dont ce chapitre fait partie. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que comme l'auteur a cité le jugement du sihr dans les chapitres qui ont précédé, que l'on peut traduire par sorcellerie, et d'al-kahana, que nous on peut traduire par la divination, comme on l'a déjà expliqué dans les chapitres qui ont précédé aussi, il a fait mention dans ce chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de la Nushra, car il se peut qu'elle vienne de démons et de sorciers, et donc qu'elle soit contraire, qu'elle s'oppose à l'unicité. Al-Nushra, نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. النشرة, qu'est-ce que veut dire le mot النشرة? On a dit que c'était le chapitre de باب ما جاء في النشرة, le chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de la نشرة. Donc il convient de définir c'est quoi la نشرة. Cheikh Al-Fawzan حفظه الله est défini en disant: c'est un genre de remède et de ruqya par lequel est soigné celui au sujet duquel on pense qu'il a été touché par la sorcellerie. Et elle fut appelée de telle manière, car on retire et on dissipe au moyen de la nushra le mal qui a envahi son corps. Ici, c'est une traduction, mais pour bien reprendre au sens linguistique du mot nushra, il faut comprendre ce qu'il a dit en arabe ici, le cheikh ici. Il a dit: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا يُنْشَارُ Yon charu biha, anhu ma khamarahu min adda. Qu'est-ce que ça veut dire? Yon charu biha, anhu ma khamarahu min adda. Ay, yukshafu wa yuzal. C'est-à-dire qu'au moyen de cette nushra, le mal qui a envahi son corps, on le retire et on le dissipe. Yukshafu wa yuzal. Salam. Su'il ani nushra, ay an nushra tu lati kana ahlu jahiliyati ya'malunaha. Il fut questionné au sujet de la nushra. Ce qui fut questionné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça a porté le hadith de Jabir radiallahu anhu ardah. Su'il ani nushra, il fut questionné au sujet de la nushra, c'est-à-dire la nushra qui était pratiquée par les gens de la jahiliya, la période pré-islamique. Hiya min amali shaytan, li'annahum yanshurun 'anil mas'hur bi'anwa'in min as-sihr wa istikhdamat shaytaniyah. Elle fait partie des actes de Satan, car il désenvoûte la personne victime de sorcellerie par des genres de sorcellerie et d'actes sataniques. يكره هذا كله أي النشرة التي أو النشرة التي هي من عمل الشيطان. يكره ذلك كله. Il déteste tout cela, c'est-à-dire la nushra qui fait partie des actes de Satan. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. Le sens général du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet des soins portés à la victime de sorcellerie selon la méthode des gens de la jahiliya et de leur jugement. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit que cela faisait partie des actes de Satan ou par son intermédiaire car cela se fait par des pratiques de sorcellerie et des actes sataniques et donc c'est de l'ordre de l'association à Allah azza wa jal et c'est illicite. تفضل عليكم السلام. ممكن أسر مسافر جماعة yeah. على خلاف من أهل العلم you understand Arabic or? Yeah, okay. It's up to you. There's a difference between the ulama. Some ulama they say you are allowed because the imam fixed like Sheikh Al-Uthaymin رحمه الله. Some others don't like Sheikh Al-Bay apart no, but it's up to you. I mean here we don't say anything to people yeah So it's up to you. Okay, Jazakallah. The imam will not say anything, yeah? I know. Donc on était au rapport munasabatul hadith lil bab. Anhu dalla ala tahrim al nushra allati hiya min amali ash-shaytan wa hiya nushratul jahiliyah. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique le caractère illicite de la nushra qui fait partie des actes de Satan. Et c'est la nushra de la jahiliya. Maintenant, les enseignements tirés de ce hadith, ma yustafadu min al-hadith, awwalan an-nahyu 'an an-nushrati 'ala as-sifati allati ta'maluha al-jahiliya, li'annaha sihr wa as-sihru kufr. L'interdiction de la nushra, c'est le premier enseignement ici, l'interdiction de la nushra qui est pratiquée de la manière pratiquée par les gens de la jahiliya. Là que vous comprenez déjà qu'il y a un tafsil ici au niveau de la nushra, comme on va le voir dans ce qui suit, inshallah ta'ala. Et c'est ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici le hadith, et c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit l'interdiction de la nushra qui est pratiquée de la manière pratiquée par les gens de la jahiliya, car c'est une sorcellerie, et la sorcellerie est une mécréance. Deuxième point, ou deuxième enseignement ici, مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه حضرا من الوقوع في المحظور. Le caractère légiféré de questionner les savants sur des sujets dont le jugement est ambigu. Yarhamukallah. Et ce par crainte de tomber dans ce qui est interdit. On continue dans le matn. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان et ça on va voir ici le tafsil auquel on a fait référence et Cheikh Fouzan va expliquer ça inshallah. حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Qu'est-ce que Cheikh Islam Muhammad Ta'ala rahimahullah ta'ala il dit ici, il dit et chez Al-Bukhari, c'est-à-dire dans Sahih Al-Bukhari, d'après Qatadata, j'ai dit Ibn al-Musayyib, un homme qui est touché par la sorcellerie ou qui est dans l'incapacité, et c'est ça le terme ici, yu'akhadu. D'ailleurs, rajoul bihi tib, on a traduit ça ici par sihr. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le tafsir de tib, c'est sihr. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, inshallah. Ou yu'akhadu an imra'atih, Et c'est le fait qu'un homme ne puisse pas avoir de rapport avec sa femme, soit dans l'incapacité, soit empêché d'avoir des rapports avec son épouse. Donc un homme qui est touché par la sorcellerie ou qui est dans l'incapacité d'avoir des rapports avec son épouse, est-ce qu'on le soigne au moyen de la nushra ou on le soigne par une autre méthode? Il répondit, il n'y a aucun problème à cela, car ils ne veulent par cela que la réforme et ce qui est bénéfique, cela n'a pas été interdit. Et il fit rapporter d'Al-Hassan qu'il aurait dit, ne remédie à une sorcellerie qu'un sorcier. Ibn al-Qayyim a dit, An-Nushra, c'est de remédier à la sorcellerie pour celui qui est victime de sorcellerie, et elle est de deux types. Remédier au moyen d'un sihr similaire, d'une sorcellerie qui est similaire, et c'est ce qui fait partie des actes de Satan, et on va voir que c'est le type qui est interdit. Et c'est à cela que s'adresse la parole de l'Hassan. Et donc celui qui pratique la Nushra, le désenvoûtement, se rapproche de Satan par un acte d'adoration que Satan aime. Et donc il annule son action envers la victime de sorcellerie. Vous comprenez maintenant pourquoi ce type-là il est interdit. Le deuxième type de Nushra, la Nushra qui est le désenvoûtement au moyen de la Ruqya et des demandes de protection à Allah, à Ta'awudat, et des remèdes et des invocations permises, et cela est autorisé. Fin de la parole de Bilqiyam, rahimahullah, rapporté par Cheikh Islam Muhammad al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, et donc fin de la parole de Cheikh Islam Muhammad al-Wahhab, rahimahullah. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, tarjamatu qatadata, هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة من أحفظ التابعين متى سنة بضع عشرة ومئة سكي قتادة إلى ابن دعامة السدوسي البصري digne de confiance ثقة parmi les successeurs des compagnons التابعون qui ont mémorisé le plus من أحفظ التابعين il est décédé سنة بضع عشرة ومئة البضع عشر c'est ce qui est entre 3 et 9 donc c'est entre l'an 103 et l'an 109 به طب بكسر الطاء أي سحر كنوا عنه بالطب تفاؤلا. Vous allez comprendre pourquoi le طب il a été traduit par سحر, par sorcellerie. به طب avec une كسرة sous le طاء, c'est-à-dire le سحر. Et il fut nommé طب par optimisme. تفاؤلا par optimisme. يؤخذ avec une شدة سلخاء بفتح الواو المهموزة بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها يؤخذ avec une فتحة sur le واو qui est une همزة et une شدة sur le خاء c'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité, il est empêché quant à son épouse et ne peut donc pas avoir de rapport avec elle. لا بأس به لا بأس به il n'y a pas de mal à cela أي بمعالجته بأمور مباحة لم يريد بها إلا المصلحة ودفع المضرة c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à remédier à cela au moyen des choses licites par lesquelles on ne veut que le bien et repousser le mal لا يحل السحر إلا ساحر أي لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر لا يحل السحر ne remédie à la sorcellerie que le sorcier, c'est-à-dire que n'est capable de remédier la sorcellerie que celui qui connaît la sorcellerie. المعنى الإجمالي للأثرين أنا ابن مسيب رحمه الله سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر ولم ينهى عما كان كذلك ومقصوده نوع من النشرة لم حضور فيه كالرقاء بأسماء الله وكلامه وما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله وهو من عمل الشيطان وفي التفصيل الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز وعلاجه بسحر مثله محرم والله أعلم. Donc le sens général des deux atars ici, comment est-ce qu'on peut comprendre les deux atars, c'est-à-dire l'atar d'Ibn al-Musayyib et l'atar d'Al-Hassan? Il est que Ibn al-Musayyib fut questionné au sujet du jugement de la Nushra et il l'autorisa et sans considérant que le but de cela n'est que le bien et la dissipation du mal, et que ce qui est de cet ordre n'a jamais été interdit. Et ce qui est voulu dans sa parole, ici, il faut comprendre, c'est pour ça qu'on voit que nous n'est pas capable de comprendre les paroles sans revenir à l'explication des ulama. Regardez comment l'explication de Fawzan, il dit, et ce qui est voulu dans sa parole, c'est-à-dire la parole d'Ibn Musayyib qui autorise cela, eh bien, c'est le type de nusra dans lequel il n'y a aucun interdit, comme les formules de l'Uqiyah au moyen des noms d'Allah et de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le Afadl al-Hassan, quant à al-Hassan, ce que sa parole indique, c'est l'interdiction de la nusra, car ne peut remédier à une sorcellerie que celui qui a une connaissance de la sorcellerie, et cela est compris comme étant de remédier à une sorcellerie par une sorcellerie similaire. Et cela fait partie des actes de Satan. Donc ici, on voit qu'il y a une interdiction et une autorisation. L'autorisation, Cheikh Al-Fawzan, il a dit que c'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dans sa parole? C'est le type de nusra dans lequel il n'y a aucun interdit, comme les formules de Ruqya, au moyen des noms d'Allah et de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et puis la part de la Hassan, où c'est une interdiction, mais il faut comprendre que ne peut remédier à une sorcellerie que celui qui a une connaissance de la sorcellerie, et cela est compris comme étant, c'est-à-dire une sorcellerie similaire, et donc cela fait partie des actes de Satan. Et puis, Al-Qayyim, rahimahullah, il fait un jama' entre ces deux paroles, et il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il y a dans le détail fait par Ibn Al-Qayyim un regroupement des deux paroles dont la substance est que soigner la victime de sorcellerie au moyen de remèdes licites et de la lecture du Coran est une affaire permise, et le soigner au moyen d'une sorcellerie similaire est illicite, et Allah est plus savant. Donc ici vous avez le jama' entre les aqwal ici d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Munasabatu al-atharayn lil-bab, quel est le rapport entre ces deux athar, le Musayyib al-Hassan et le chapitre, qui est le chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de la Nusra, qui s'articule dans les livres de cité qui Kitab al-Tawhid. Eh bien, le rapport entre les deux athar et le chapitre est la mise en évidence du jugement de la Nusra, et la mise en évidence de ce qui en est autorisé et de ce qui en est interdit. On commence un nouveau chapitre. Bab ma ja'a fi tatayyur wa qawli Allah ta'ala ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun wa qawlihi قالوا طائركم معكم. L'auteur Khalil Fasmi Jacob, il dit chapitre sur ce qui a été rapporté au sujet du tatayyur, que nous on peut traduire en français par les augures. Et la parole d'Allah dans le Très-Haut, dont la traduction du sens est: en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate Al-A'raf, verset 131. Et sa parole dans la traduction du sens est: ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Sourate Yassin, verset 19. Dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de ce passage, il dit: tamam al-ayat al-thaniya, c'est-à-dire l'ayat surat Yasin, a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. La complétion du deuxième verset de surat Yasin ici, est-ce dont la traduction du sens est: est-ce que, c'est-à-dire, c'est ainsi que vous agissez, quand on vous le rappelle, vous êtes des gens outranciers. Surat Yasin, verset 19. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'est-ce qu'Allah Azzawajal a dit avant dans Sourate Yassin, notamment le verset 18, comme on va le voir dans un instant, inshallah, par rapport à ce que le peuple de Pharaon a dit à Moussa alayhi salam. Munasabatu al-bab li kitab al-tawhid. Lama kanat at-tiratu naw'an min ash-shirk alladhi yatanafa ma'a at-tawhid aw yunqisu kamalahu 'aqada al-musannif rahimahullahu ta'ala laha hadha al-bab fi kitab at-tawhid tahdiran minha. Le rapport entre le chapitre, quel chapitre? Bab ma ja'a fi tatayyur, chapitre sur ce qui a été rapporté sur le tatayyur, qui est, on peut traduire ça par les augures. Eh bien, c'est le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est que, comme la tira, l'augure, est un genre d'association à Allah qui s'oppose à l'unicité ou diminue sa complétude, l'auteur lui a consacré ce chapitre dans le livre de l'unicité afin de mettre en garde contre elle. Ma ja'a fi tatayyur, ay min al-wa'id. وتطير مصدر تطير وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. ما جاء في التطير, c'est-à-dire en termes de menace, يتطير إلى غاسين دي فيرب تطير تطير يتطير تطيرا qui est d'être pessimiste et de voir le malheur en fonction des choses vues ou entendues, c'est-à-dire les mauvais présages et les augures en fonction de ce qui est vu et en fonction de ce qui est entendu. Ala adatu tanbih, c'est une particule de pour attirer l'attention. Innama adatu hasrin, c'est une particule de restriction. Donc la première c'est adatu tanbih, c'est pour attirer l'attention, et la deuxième c'est adatu hasr, pour une restriction. Innama طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم طائرهم leur sort, c'est-à-dire ce qui leur a été prédestiné. Un point intéressant dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh Al-Uthaymeen, de voir la différence entre le qada et le qadar, et dans, sur le site de l'Ifta aussi, voir les différentes paroles de savants dans ce pas pour le qada et le qadar. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit que le qada et le qadar in ijtama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a, c'est parmi les alfaz, les formules que lorsqu'elles sont citées ensemble, elles ont un sens différent, mais quand elles sont citées à part, elles ont le même sens. D'accord ? Ce n'est pas le sujet du cours, mais c'est vraiment très intéressant à lire dans Majmou' al-Fatawa Cheikh Al-Uthaymeen ou sur le site l'Ifta, différentes paroles des savants par rapport à la différence entre le qada et le qadar. عند الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله عند الله dépend d'Allah car leur malheur n'est venu que de lui et par son jugement dans la création et dans la prédestination, ce qu'on appelle le حكم الكوني القدري. En raison de pourquoi ce choum qui les a touchés, pourquoi ce malheur qui les a touchés, eh bien c'est en raison de leur mécréance et de leur reniement de ces signes et de ces messagers. La ya'lamun wasfun lahum bil jahalati wa adam al ilmi wa annahum la yadrun. La ya'lamun, ils ne savent pas, ceci est une caractérisation par l'ignorance pour eux, c'est une qualification par l'ignorance pour eux et d'absence de science et qu'ils ne savent pas. Ta'iruhum ta'irukum ay حظكم وما نابكم من شر طائركم, votre mauvais présage, c'est-à-dire votre part et ce qui vous a touché comme mal. ما نابكم نابكم من شر معكم أكم سنعتنا أي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين معكم, avec vous, c'est-à-dire en raison de vos actes et de votre mécréance et de votre opposition à ceux qui font le conseil, الناصحون أين ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إن تطيرنا بكم سورة ياسين verset 18. Là on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. أين ذكرتم, quand on vous le rappelle, c'est-à-dire que quand nous vous avons rappelé, vous nous avez fait face en disant, selon la tradition du sens est, nous voyons en vous un mauvais présage. سورة ياسين verset 18. بل أنتم قوم مسرفون عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم الشؤم والصرف الفساد وهو مجاوزة الحد في مخالفة الحق بل أنتم قوم مسرفون et par rapport au mot مسرفون qui veut dire مسرف ici, mais vous êtes des gens outranciers, مسرفون. Votre habitude est l'outrance dans la désobéissance et c'est de là que vous a touché le malheur. Et الصرف ici c'est la corruption, الفساد, et c'est de dépasser la limite dans la transgression de la vérité. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatayn, le sens général des deux versets. Al-ayatu al-oula min sourate al-A'raf, lamma kana qawmu fir'auna idha asabahum ghala wa qahtun qalu hadha asabana bisabibi Musa wa ashabi wa bi shu'mihim radda Allah ta'ala 'alayhim bi anna ma asabahum min dhalika innama huwa bi qada'ihi wa qadarihi 'alayhim bi kufrihim thumma wasafa aktharahum bil jahalati wa 'adami al-'ilm. ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. الآية الثانية أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء ثم ادعنا سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم, فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا, وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء لكنهم قوم متمادون في المعاصي فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء. Le premier verset sur l'Araf. Lorsque le peuple de Pharaon fut touché par une hausse des prix et par une sécheresse, ils dirent, ceci nous a touchés en raison de Moïse et de ses compagnons, et en raison de leur mauvais augure. Allah le trouve les réfuta en disant que ce qu'ils a touché de cela ne vient que par son décret et sa prédestination envers eux, en raison de leur mécréance. Puis il qualifia la plupart d'entre eux d'ignorance et d'absence de science. Et s'ils avaient compris et s'ils avaient raisonné, ils auraient su que Moïse n'est venu qu'avec le bien et la baraka et la félicité pour ceux qui croient en lui et le suivent. Deuxième verset, sourate Yassin. Allah le Très-Haut réfute ceux qui démentent les messagers, puis sont touchés par une calamité, puis prétendent que la cause de cela vient des messagers et que cela à cause des messagers. Et donc Allah le Très-Haut a clarifié que la cause de cette calamité vient d'eux-mêmes, et en raison de leurs actes et de leur mécréance, et pas en raison des messagers comme ils l'ont prétendu. Et ce qu'il leur a incombé, c'est d'accepter la parole de ceux qui font le conseil, An-Nasihun, afin qu'ils soient préservés de cette calamité, de cette épreuve. Mais ce sont des gens qui persistent dans les désobéissances, et donc c'est de cela que leur sont venus le malheur et la calamité. Munasabatul ayatayn lilbab, أن الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن تطير من عمل جاهلية والمشركين وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. Le rapport entre les deux versets et le chapitre est que Allah سبحانه وتعالى a dit que le tatayyur fait partie des actes de la jahiliya et des polythéistes. Et Allah le trou les a blâmés et les a abhorrés. مقتهم. ما يستفاد من الآيتين. Les enseignements tirés des deux versets. أولاً أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين. Le tatayyur fait partie des actes de la jahiliya et des polythéistes. ثانياً إثبات القضاء والقدر والإيمان بهم أو الإيمان بهما. L'affirmation du décret et de la prédestination et de la foi en eux deux. ثالثاً أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات. Les malheurs arrivent en raison des désobéissances et des péchés. Rabi'an fil ayat al-oula dhammu al-jahli li'annahu yu'addi ila 'adam ma'rifati ash-shirki wa wasa'ilihi wa min thumma al-wuqu' fihi aw min thumma ila al-wuqu' fihi. Dans le premier verset, le blâme de l'ignorance car elle mène à l'absence de connaissance de l'association à Allah et de ses voies. Il y a des voies qui mènent à l'association Allah. Et donc mènent à tomber dans l'association Allah. Je vais quand même nous en présenter. Dans l'ayat الثانية, وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبولها من صفات الكفار. Dans le deuxième verset, l'obligation d'accepter le conseil. Car la non-acceptation du conseil fait partie des caractéristiques des mécréants. سادسا, أن ما جاءت به الرسل فهو الخير والبركة لمن اتبعه. Il y a le bien et la bénédiction dans ceux avec lesquels les messagers sont venus pour ceux qui l'ont suivi. Enfin, pour ceux qui ont suivi ceux avec lesquels les messagers sont venus. C'est ça que ça veut dire cette phrase. Alors on peut continuer dans le Madn. Il y a le hadith d'Abu Huraira rapporté dans le Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. Avec le rajout de l'imam muslim, rahimahullah, wa la naw'a wa la ghoul. Mais on va s'arrêter pour là-dessus aujourd'hui, inshallah. Et on continuera samedi prochain, bi'nillahi ta'ala. Wa jazakumullahu khairan.